Chapitre 13. Le passage d'Anne. Dans cette originale maison, presque confortable grâce à Norette, où les chambres n'ignorent pas les tapis, où partout, sur les paliers et les degrés, reluit la brique vernissée, un détail m'étonne. Le corridor. Pour s'harmoniser à l'élégance de sa voûte, il faudrait là user au besoin quelques dallages héraldiques, en belle faïence blanche et bleue, comme en fabriquer moustier ou varage. Mais non, le corridor est pavé, la rue s'y continue, poussant sauvagement jusqu'au bas de l'escalier les terribles galets pointus dont le village se hérisse. Très plaisants d'aspect, ces galets, polis qu'ils sont, et devenus nets comme marbre sous l'opiniâtre travail de Saladin, à qui son obstination balayante a valu le nom de gratte-caillou. « Dahu, brato-caillahu !» lui crient les gamins quand elle veut les empêcher de piller ses figues. Et je regrette de n'être pas géologue, car j'aurais là, variés et multicolores, comme derrière la glace d'une vitrine, des spécimens de toutes les roches alpestres que nos torrents roulent à la mer. Mais ils restent pointus, quand même, ces galets. « La mort des pieds !» dit Saladin, et Mademoiselle Norette dissimule mal l'ennui qu'elle a de ne pouvoir aller à sa porte en pantoufles. J'ai interrogé Mademoiselle Norette. Elle m'a répondu « C'est le chemin d'Anne !» Et sais-tu, son œil noir, un peu endormi, s'allumant soudain de colère. Plus calme, Monsieur Honorat a bien voulu m'expliquer la chose. Avec la manie des partages particulière aux Provençaux, les immeubles, à chaque succession nouvelle, s'émiettent, partagés entre tous les co-héritiers. Qui veut être chez soi doit racheter pièce par pièce. Et je sais des bicoques qui, pour revenir dans la main d'un seul propriétaire, ont exigé plus d'efforts et de diplomatie que n'en a mis la France à faire son unité. Or, le château n'appartient pas en entier aux gazans, ce qui serait le rêve de Mademoiselle Norette. Depuis qu'elle travaille à le réaliser, Mademoiselle Norette a pu, profitant d'une mort, obtenir par l'échange d'un bout de pré les appartements du cinquième. Elle a pu, moyennant quelques sacrifices, évincer un cordonnier qui battait son cuir dans le salon coquet du rez-de-chaussée. Mais il reste à conquérir l'écurie, qui vaut bien 50 francs, largement payée et dont elle donnerait volontiers 1000, car cet obscur réduit, situé tout au fond de la maison, comporte servitude. Les papiers sont formels. Item, le propriétaire de l'écurie aura droit perpétuellement au passage qui sera pavé afin qu'un âne chargé n'y glisse. Et pour la commodité d'un âne, Mademoiselle Norette, qui enrage, meurtrit chaque jour ses petits pieds. Si au moins l'âne existait. Non, c'est un âne hypothétique, un être de raison, une fiction d'âne. Il y en avait bien un autrefois, que son maître, ce gueux de Galfard, lointain cousin, avec qui les gazans sont brouillés, appelé Saladin, à la grande fureur de Saladine. Mais voici beau temps que Galfard, coureur de cabaret, joueur comme les cartes, l'a perdu dans une partie de Vendôme. Ce qui ne l'empêche pas de garder l'écurie dont il fait sa chambre les jours où, avec son fusil et ses chiens, Galfard est aussi un tantinet braconnier. Il monte au village et d'exiger, insolent et narquois, le maintien du chemin d'âne, ni plus ni moins que si l'âne était toujours là.